Parle-moi de toi, Patrick. Dis-moi ce que tu ne dis pas. Parle-moi de toi, Patrick. Dis-moi ce que tu ne dis pas.